Les mamans ne le reconnaissent plus. Est-ce le vrai ou un substitut? Crois-moi, crois-moi pas, le Père Noël a perdu du poids. Est-il allé chez les Weight Watchers? Son médecin doit-il compter des peurs? Le Père Noël a perdu son gros cul. S'est-il entraîné toute l'année? Mais quelle mouche l'a piqué? Lui qui avait l'air si bien enveloppé a maintenant l'air de mannequin à la télé. A-t-il couru le marathon? S'est-il fait faire une liposuction? Le Père Noël a perdu son gros cul. Hey, le paquet d'os! Viens ici, ton wood pétail! Yeah!